Ouais, les micros ils sont branchés. Ça y est, l'autre elle monte sur la table. Là, c'est même pas la peine. Oui. C'est vrai que t'es pas très grande. Hein. Donc pour atteindre le bouton. C'est un côté pratique, parle dans le micro, sinon on le coupe. Voilà, je passe partout. Bonjour. Bravo, Fort Boyard, bonsoir. Petit. Ouais, non, je me mangerai. Et tu t'y connais. Bon, ouais. Eh bien, c'est Pyongyang Styro 15 numéro 3, 185, qui débute avec ce soir équipe presque au complet. Il ne manque que Thibaut. Et Célia. Ah merde, c'est vrai, Célia. Non, mais elle a dit qu'elle était fatiguée. Alors, d'ailleurs, elle nous écoute, je le sais. Je vais me faire. Putain, je vais me faire. Bonjour, c'est Lio. Ouais, c'est Lio. Ce soir, moi, je ne passe. Je ne vais faire que des annonces de concerts. Et vous avez des choses intéressantes ou pas? Depuis le temps où je suis pas venu, ouais, j'ai quelques petits morceaux. Ouais, on a des. Moi non. T'as des trucs? Ouais, d'Irlande. Bon. Ouais. Ah oui, c'est vrai que toi, tu es allé faire un petit repérage là-bas. Ouais. Ok, bon, ben du coup, moi, ce que j'ai repéré, c'est le nouvel effort de Vue par Ben, qui est sorti il y a, ça doit bien faire 2 semaines maintenant, mais comme on a eu plein d'invités, je n'ai pas eu le temps de le passer, c'est pas bien. Hein. Un jour, peut-être, on aura 2 heures d'émission. Trop occupé. Un jour, peut-être, on aura 2 heures d'émission, pour l'instant, il n'en faut aucune. Et donc, on va tout de suite passer Mon chat est vegan par Vue par Ben. Mon chat est vegan, c'est bon. Ma femme lui a fait goûter ses carottes au tofu. Pour lui rien n'a changé, il squatte toujours mon canapé, tous à 18 heures par jour. Alors le hunter métamorphose, il n'y a plus que mon respect qui s'impose. Et si pour une fois les rôles s'inversaient, on fait d'un herbivore un carnassier. J'ai devenu cannibale quand on a trouvé du fécal sur les écrans de ton matin. Autant bouffer les mains qui font que s'en laver les mains. Loin du business de la viande. Les animaux sont des êtres vivants, doués de sensibilité. Et là où l'homme refuse de réagir, l'animal est forcé de le subir. Ouais, bah oui, bah, ça fait une semaine. Hein. En plus, j'étais malade, là, j'ai failli pas venir, hein, donc c'est bon. Hein. On t'a rien dit. Juste regardé. Heureusement, je vois une bouteille de Buckfast sur le. Elle m'interpelle beaucoup, celle-là. Vous savez qu'on n'a pas le droit de boire dans le studio. Hein. Elle est encore fermée. Bon. Plus pour longtemps. En tout cas, je vais pas en boire avant la route parce que. Ouais, c'est moi qui conduis. Ça chelasse bien. Oui, pareil, ouais. Bon allez, moi j'ai pris un morceau de Bart and the Bratz. C'est le projet solo de Bark de Vrantic. comme on dit en flamand. Quoi ? Vrantik. Vrantik. Vrantik. Comme Rissel. Glutefruit. Bart de Vrantik. Schmeck de The Janitors. Wild Zero. Teenage Hearts. Ouais. Pneumonias. Et entre autres, Les Skeptics. Il vient de La Rochelle et va sortir sous peu son nouvel album qui s'appelle Mist Hits sur Sweet Time Records. Et j'ai avec moi le morceau Mauvais Polar qu'on écoute de suite. Bart and the Brats dans PCR sur RCL 106,6 campuslille.com. Yeah. Voilà, alors c'est, on m'a dit, ouais, t'as mal prononcé, ça se prononce Bart de Vrantik. C'est ça. Allez. Voilà. Excuse-moi, Bart. Google Traduction. C'est eux qui veulent récupérer la Flandre et puis filer la, la Wallonie aux Français. Pas, on n'y est pas, on n'y est pas. Non, mais c'est passé dans les news aujourd'hui et moi, ça m'a interpellé, c'est vrai. C'est ça t'interpelle. Ouais. Voilà, oui, oui. Mais qui a envie d'être rattaché à la française. T'as pas envie d'être française. Surtout en ce moment. C'était juste marrant. Bref. Ouais. Bon, je l'ai quitté, c'est pas pour l'argent. Ouais. Je l'ai quitté. C'était anecdotique, voilà. Merde. mon cher Jamy, ici présent, on revient d'Irlande par la Malposte. Mais là, je vais pas passer tout de suite un truc irlandais. C'est quoi ce bordel? Je vais passer les Viagra Boys, parce que là, j'ai le compte à rebours sous mes yeux. Ok. Il reste un jour, 3 heures, 50 minutes et 23 secondes. Et ça défile. Pour quoi faire ? Pour leur sortie d'album le 25 avril. Maintenant, il reste 14 secondes. Ouais, exact. Trop bien. Ouais, il y a le compte à rebours, je dirais pas sur où. Je vais passer Mad Made of Meat. Ouais. Et l'album, il va s'appeler Viagra à Boys. Viagra Boys. Ouais, mais Viagra. Ah, Viagra à Boys. Yeah. Oh, ok. Subtil. Tout de suite sur Radio Campus Lille. Made of meat, you're on the edge. flappy giblets, and I spent another $10 a month to chat with her on the AI chat program. It feels great. C'est boosté à la caféine, le Buckfast, à ce qui paraît. Vous êtes sur Campus 106,6, c'est l'émission Pyongyang City Rockers, numéro 385, et il est 20h13. C'est le moment de passer à une première annonce de concert. Ça va ? Ça va. Qu'est-ce qu'il y a ? J'en suis tout décontenancé, n'est-ce pas ? C'est presque de l'ASMR à ce niveau-là. Première annonce de concert, donc demain soir, vous pourrez voir un gros concert de grind au bout de nos rêves avec des groupes chiliens Antitanax et Perro Suicida. Et il y aura aussi les Belges de Racta. Et puis, le truc qui arrive comme un cheveu sur la soupe, ce ne sont pas des skins. Donc, ça s'appelle Erreur, ils viennent de Bretagne, du côté de Rennes, je crois. Et puis c'est plutôt du punk français, on va dire. Et donc, ouais. D'où leur nom. Ouais. Voilà. Et donc, le nom de la chanson, on peut enchaîner là-dessus, je t'attends au tournant. Le nom de la chanson, c'est Décevant. Et tu peux m'attendre au tournant, juste avant, j'y étais. Oh non, mais il va pas capter ça. Ouais, non. On expliquera après. Et donc, voici Erreur qui joueront demain au bout de nos rêves, Gonramcroix, près de Tournai, avec Décevant, puis ils seront sur l'île vendredi soir, mais je sais plus où, je vais le dire après. Pour l'instant, voilà Erreur. Je suis sûr, non. J'avais promis que je dirais quand est-ce qu'il passe sur l'île. C'est samedi 26 au Circus avec Docteur d'Enfer, un autre groupe DIY Punk de Rennes, et puis Crystal Bullet and the Flying Chicken. C'est du ska, ils sont de l'île. Bon, nous, je pense qu'on sera à un autre concert samedi ailleurs. Soir. Ouais, mais un peu plus loin que le Circus, qui se trouve 13 rue Henri Kolb. Si j'arrive à trouver ton titre de Hirati. Ouais, est-ce que je le prononce ? Est-ce que je le présente ou pas ? Ouais, ça devrait aller. Ouais. Parce que si t'es pas sûr. Vas-y, meuble, meuble. Si, c'est bon, je le trouve. En fait, tu l'as pas tagué. Non. Allez. C'est bon. Des chiffres et des lettres sur le 106,6. Le groupe Navarre, Irati 58, nous met l'eau à la bouche avec un nouveau succulent morceau qu'ils ont appelé Mi Condena. Ma condamnation. En français. Bon. Qui sortira sur je sais pas encore quoi. Puis, on passera un groupe qui ne connaît pas encore le résultat de son jugement pour crime de haine. Les 5 membres du groupe sont sous le coup d'une condamnation. Crime de haine, car ils ont écrit des morceaux qui plaisent pas à l'État espagnol. On est en 2025, mais j'ai un... C'est l'État espagnol, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Des textes jugés trop brutaux. C'est le groupe Yakovlev 42, qui tient son nom d'un avion russe. Ouais. Qui vient de la région de Gipuzkoa au Pays Basque et c'est... on l'écoute de plus de suite. Ouais, c'est parce que t'as plusieurs prononciations, Stéphane. Putain, il te sabote. Gipuzkoa en voilà. Dégouette. Merci Stéphane. Le morceau s'appelle Adieraspen Askatasuna, qui veut dire liberté d'expression. Je sais pas si c'est un des morceaux incriminés. Mon basque n'est encore qu'au balbutiement. Adieraspen Askatasuna sur Radio Campus Lille, c'est l'émission Pyongyang City Rockers, Yakovlev 42. Esas birras del local, hoy de nuevo. Eh, vous avez dit, hein, ça envoie de ouf, Yakov Lev. 42, et juste avant, c'était Irati, un petit chiffre et des lettres basques. Bien. Motus, non, c'est pas ça. C'est Kiki, vous voulez passer un truc maintenant? Moi, je suis Kiki. Le Kiki. Je vais vous passer Tippy Aim. Ça vient de Dundalk, en Irlande. Il n'est pas 30, mais c'est pas grave. Non, mais ça va. En plus, t'as encore d'autres trucs à passer après, donc ouais. C'est bon. Donc, c'est au nord de Dublin. Alors, c'est des frères, Charles et Andrew Andy, qui viennent de Dundalk, et ils sont influencés par le chômage, la dépression et l'anxiété. On se demande pourquoi. Donc, voilà. C'est et le titre, c'est « Don't have your money ». Bien. TPM. Yes. TPM. Ouais. I waken up around 10 o'clock. Scratch my hole and then I flick my snots. I take €100 out of the tax pool, but that's all the harm I'm gonna do to you. The other prick gets up at 6 a.m. drives his Beamer to Dublin, to the KBC bank. He walks in, starts committing crimes with a ballpoint pen. Kicks some pensioner out of their house. The tax form, it never got filled out. The interest piles over the last long while. Your woman on the telly had a sinister smile. The rent goes up, the wages stay steady. You're watching Fine Gael ads on the telly. They're telling you all about welfare cheats. Be careful now, child, what you choose to believe, because TPM don't have your money. TPM are not the enemy. If TPM had all your money, we wouldn't write songs, cause we're too lazy. TPM don't have your money. TPM are not the enemy. If TPM had all your money, we wouldn't write songs, cause we're too lazy. We're making on the point. War. And that's the reason why we're all so sore. They say line them up against the wall. Put a load of Semtex under the door. TPM don't have your money. TPM are not the enemy. If TPM had all your money, we wouldn't write songs, we'd be too lazy. TPM don't have your money. TPM are not the enemy. If TPM had all your money, we wouldn't write songs, we'd be too lazy. Cash in the hand, it is no scam. I don't. So I'm a welfare man. I get my dole on a Monday, and then it's cash in the hand every other day. Well, you can cry all you want, I don't give a fiend a fuck. It's not my fault that in debt you're stuck. If you wanna start war, you should look to the top. From holiday homes to let all the shit drop. On top of us, I've had enough. It's not the dole that has a country bust. Give us all your money, we won't do a tap. They're too greedy to know when to stop. They're the big boys now, think their shit is hot. They shouldn't be. They should be shot. TPM don't have your money. TPM are not the enemy. If TPM had all your money, we wouldn't write songs, we'd be too lazy. TPM don't have your money. TPM are not the enemy. If TPM had all your money, we wouldn't write songs, we'd be too lazy. I am a real welfare cheat. I cheat the welfare in my bed and I cheated on the street. Get my money on a Monday. Open your eyes. We are not the people that you need to despise. Let's think for a minute, go after the facts. Go after Apple, cause they never paid tax. And the government don't think that this is a crime, and they can't afford to pay the nurses for their time. Cheated your mammies, cheated your daddies. The rich are cons, the poor aren't the baddies. Next time you're busking, don't let them near you. Fuck Fine Gael and fuck Fianna Fáil too. Fuck Fine Gael and fuck Fianna Fáil too. Fuck Fine Gael and fuck Fianna Fáil too. TPM had all your money. We wouldn't write songs, 'cause we're too lazy. team l'ordre de baisser parce que là ils font ça fait trop yeah. Enfin, ouais. Un peu de hippie quoi. Donc c'était quoi cette affaire TPM? Pour moi c'est une sorte de puce qui sert à faire de la sécurité dans les ordinateurs, ça, TPM, non? Bon, c'est peut-être un autre nom, j'en sais rien. Bref, encore un petit concert au CCL qui va faire du bien dans les Esgourdes. Il y aura Mere Mortals Critique, ils sont excellents critiques, moi j'adore. Et puis Listerine, c'est des Parisiens ça, Listerine? C'est pas une maladie? Ouais, aussi, ouais. Aussi, ouais. Et puis avec eux, il y aura des gens qui s'appellent des Tourangeaux, me semble-t-il, qui s'appellent Acid Drop, qui font du skate punk, mais en fait de skate punk, c'est plutôt du skate hardcore. Bon, voilà quoi. Skatecore. Ouais, non. Pas skatecore, vraiment. Non, roulette, quoi. Non, pas du à roulette non plus. Non. Voilà, bref, donc, ça sera. On est loin du son fumé. Ouais, tout à fait. Enfin, le son est quand même un petit peu fumé, tu vas pouvoir l'entendre là. Ça dure pas longtemps, 43 secondes. Et donc ça sera vendredi au Centre Culturel Libertaire, 4 rue de Colmar, où normalement ça devrait pas trop être la corrida pour une fois. Il y aura donc ce Acid Drop qu'on va pouvoir écouter maintenant avec Broken Again. Je vous ai dit, ça dure 43 secondes. J'en ai profité pour passer un petit truc russe d'il y a 20 ans, ça date de 2005, c'était Britva, les lames de rasoir, on sait pas ce qu'ils sont devenus, hein. Ils ont, enfin si, je crois qu'il y en a encore un qui joue, il fait des trucs plus punk à minette, forcément. Il n'y a plus que ça qui paye en Russie. Et puis le titre c'était Société de bâtards en russe, Obchtiestvo Oubliudkov. Voilà, là on peut plus se tromper avec le groupe français qui s'appelle Britva non plus. Alors. Non, oui, voilà. Allez, moi je vais passer à un groupe de Bordeaux. Banned from the Pub est un groupe OI formé en 2007 à Bordeaux. Initialement composé de 5 membres, guitare, basse, batterie, saxo et chant, le groupe s'est élargi l'année suivante avec l'ajout d'une guitare supplémentaire. Le groupe se distingue par une sonorité OI mélodique qui puise ses influences dans la scène anglaise des années 80. Sans concession aucune avec leurs convictions antiracistes et antifascistes. Coucou Pyongyang. Avec des chants semblables à l'atmosphère d'un stade de football. Coucou Gaël. Les chansons du groupe plongent dans les failles d'une société malade. Coucou la France. Où l'isolement est à la recherche d'évasion, sont omniprésents. À travers des textes empreints de mélancolie, Banned from the Pub dépeint des individus en quête de sens. Ces derniers semblent souvent pris au piège dans un quotidien sans issue, tentant d'oublier leur peine dans les bars, loin de la réalité. Un sentiment de déconnexion et de désillusion où l'alcool, la musique et les copains deviennent des moyens de survie face à une société qui étouffe. Le groupe tente de capter cette atmosphère d'une époque en crise où la musique vient de... Ah, oh putain, j'avais bien lu jusqu'ici, quoi. Le groupe tente de capter cette atmosphère d'une époque en crise où la musique devient une forme de libération pour ceux qui refusent de se soumettre à l'indifférence d'un mode, d'un monde qui semble les ignorer. C'est la bio que j'ai reçue du groupe. Alors, j'ai voulu en savoir un peu plus sur qui joue encore dans le groupe. Alors, Gaël, qui est au chant, s'occupe de l'association Back to the Beat. Vous allez voir, c'est un all-star band, ce groupe. Antoine, au sax, joue dans Resaca Sonora et The Bumpkins Ska Club. Musicien touche-à-tout, il fait de l'ingé son et a des projets solo pour se marrer. Le premier était le projet parodique Sound of the Streets. Ensuite, il y a Bibiche, habitué du Zik en stock, qui fait la batterie et qui joue aussi dans Ramblin' Firm. Salut Bibiche. Il y a Roman, guitare lead, qui joue dans MFCS, Punk Indie Hardcore, et Rive, qui se prononce Rive, j'ai bien prononcé du coup, où il fait du violoncelle clavier. C'est de la poésie électro-organique. Et il aide aussi l'asso Burdigala Records quand il peut. Kev, à la basse, de Damaskins, de Capo Blood, Sabré Fossil, Running Free et Rural Conduct. Envoie les disques, bordel. Et il y a Clem aussi à la guitare rythmique qui lui a joué dans Gonna Get Yours, Outro, Ramblin' Firm, Chrome Records et Brixton Boogie. J'aurais dû dire Monsieur Clem. 17 ans après leur début, 14 ans après leur séparation, Banned from the Pub a dépoussiéré et réactualisé des enregistrements commencés en 2010 et jamais finalisés. Donc leur nouveau disque est sorti il y a 4 jours sur Chrome Records. C'est un 12 pouces qui comporte 7 titres de Oi avec du sax dedans, dont Les Points qui saignent, qu'on écoute expressément sur Radio Campus Lille. C'est toujours Pyongyang City Rocker sur le 106,6 de ta bande FM. Banned from the Pub, Oi. Comment aujourd'hui, les points qui saigneront demain. Les points qui saignent aujourd'hui, les points qui saigneront demain. Les points qui saignent aujourd'hui, les points qui saigneront demain. Les points qui saignent aujourd'hui, les points qui saigneront demain. Les points qui saignent aujourd'hui, les points qui saigneront demain. Les points qui saignent aujourd'hui, les points qui saigneront demain. C'est très bien cette affaire, je ah le veux. Ouais, ah Larry ouais, Larry et Sax, du ouais, bon côté pour une fois, c'est bien. Bon, bah cool. Il y en a d'autres, hein. Ouais, il y a aussi les Sambas. Ouais. C'est un peu trop loin. 20h43, il est 20h43 déjà. Bah ouais, je vais pas encore payer une bière à Pierre. Bon, c'est alors, dur à dire, bière à Pierre. Bière à Pierre. Tu veux une bière, Pierre et pendant... et pendant ce temps, Jamo... ouais, je prends le micro. Je vais passer Class AZ, Ace peut-être, je sais pas, non? Class Ace. Class Ace. Ouais. Je vais passer Guns of Dublin. Alors, ça avec un sample de Guns of Brixton, des Clash. Ah bah, oh, oh, the Guns of Dublin. C'est yes, ça exactement. Ouais, ouais. Donc, c'est un collectif de rap irlandais assez connu. Et apparemment, ils sont en rivalité avec un groupe aussi de rap irlandais, Working Class Army. Ah cool, la bagarre. Ouais, de la bagarre. On aurait dû passer les deux et à la donc, suite. Il y a eu un voilà, documentaire sur RTI. D'accord. RTE. La radio, télé, irlandaise. Ouais. Non ouais. Non, ouais. RTE, c'est allemand. Non. Non. Non, c'est en Irlande. Ah, radio, TV, R. Ouais, R. Avec un grand E et un accent. Attention, hein, tu vas pas l'avoir à ce truc-là. Ouais, donc c'est Guns of Dublin par Class Ace. This is serious. Out the door goes the messing. Young mothers getting killed while attending gaff sessions. Depressing the way these days, that's a wee resort. And whatever happened to a dig in the yard, the wolves Dublin was considered our fair scene. Nowadays times change more. Did the pity young ones getting gunned down left, right and centre is a problem. Is this all you're all clear or Compton? Time stands still when you hit the motorway. Traffic gets backed up, chock-a-block delays. So you have to move swiftly, driving on the M50. Crossfires lethal and happens so quickly that if you blink, you might miss the last thought that you think. A flash of light before your eyes, a flash of life on the brink. A going out, you probably never know it was harder to hit you. Or having a chance to realise a family miss you. Don't think you're safe on a night out, no escapes to be had. If they want to get you that bad, you can hide but they'll find you. Don't have to remind you, pull up beside your car, safety's off and brutal blind. Watch where you're going or else you get popped. Watch what you're doing or else you get robbed. You messed with the wrong crowd and they got you. You still can't believe that they shot you. Watch where you're going or else you get popped. Watch what you're doing or else you get robbed. You messed with the wrong crowd and they got you. But you still can't believe that they shot you. We got kids young as 15 holding submachine guns and M16s. Drug dealers with the mint creep, be my strip clean, getting legend on a sniff scene. Working class born, now a rich teen. Young offender, unofficial gun club member, bringing terror to the elders with the worst the tempers. Tit for tat, gun coins, spit the facts. Buildings criminals are turning to aristocrats. Selling sniffing hacks with a pistol pack. Haven't walked a day and never paid a zip in tax. Living in the biggest gas with the cash to match. CAP and gather traps trying to mark the cash. Bank jobs stand off, this is branded law. Handcuffed police stations undermine the cause. Solicitors are sinister as the crooks they represent. The way it looks to Paul when your books will never watch end. Watch where you're going or else you get popped. Watch what you're doing or else you get robbed. You messed with the wrong crowd and they got you. But you still can't believe that they shot you. Watch where you're going or else you get popped. Watch what you're doing or else you get robbed. You messed with the wrong crowd and they got you. But you still can't believe that the day shut ya. Can't even walk out, you got for out of fear to be riddled. No talking no more, they never hear to be civil. These days AKs are getting hurried out the way. Fucking knife nowadays, we have to worry about grenades. A gap from crumbling and stone the rubble from the explosion. We know there's loads of trouble, Sunday war they're exposed. And all the criminals are most the local folks, and we know them. Local folks are imploding, sound the bullets exploding. Never the dullest the moments when you live in the city. Better stay on your toes before you live in the liffy. Cause these villains are willing to kill them, or they're even stay a teen. Empty clips and spray the scheme, just give them yeah, creatine. Today it seems like we're living in a shooting range. Criminals are to the range, shooting for your loot and change. Shooters aimed, so boy, you're praying for the future change. Getting used to pain, cause every day you know that you're watch where you're going or else you get popped. Watch what you're doing or else you get robbed. You messed with the wrong crowd and they got you. But you still can't believe that they shot you. Watch where you're going or else you get popped. Watch what you're doing or else you get robbed. You messed with the wrong crowd and they got you. But you still can't believe that they shot you. Poum poum, il est 48, il faut encore parler de quelques concerts qui vont avoir lieu, dont cet excellent concert avec Slugger, Gutter, Force, Bavure. Ça sera samedi au Centre Culturel Libertaire, encore eux. Bah voilà, c'est tout, ça a failli ne pas avoir lieu finalement. Ça a été rattrapé in extremis. Voici donc, on aura donc l'honneur et l'avantage de voir chez Genre de Slugger. Les voici tout de suite avec Chopping Block. Je sais pas ce que c'est. Que ça ? Coco ? Ah oui, d'accord. Bon, bah, tu vas attendre la description. Oui, chef. Est-ce que je le dis ? Ah, je viens de mort.